J'arrive, je monte l'escalier dans l'obscurité et j'entre enfin chez moi, sans autre accident que ma chute et ses suites, dont je ne m'apercevais pas même encore alors. Les cris de ma femme en me voyant me firent comprendre que j'étais plus maltraité que je ne pensais. Je passai la nuit sans connaître encore et sentir mon mal. Voici ce que je sentis et trouvai le lendemain. J'avais la lèvre supérieure fendue en dedans jusqu'au nez. En dehors, la peau l'avait mieux garantie et empêchait la totale séparation. 4 dents enfoncées à la mâchoire supérieure. Toute la partie du visage qui la couvre extrêmement enflée et meurtrie. Le pouce droit foulé et très gros. Le pouce gauche grièvement blessé. Le bras gauche foulé. Le genou gauche aussi très enflé et qu'une contusion forte et douloureuse empêchait totalement de plier. Mais, avec tout ce fracas, rien de brisé, pas même une dent. Bonheur qui tient du prodige dans une chute comme celle-là. Voilà, très fidèlement, l'histoire de mon accident. En peu de jours, cette histoire se répandit dans Paris, tellement changée et défigurée qu'il était impossible d'y rien reconnaître. Monsieur Lenoir, lieutenant général de police, avec lequel je n'avais eu jamais aucune relation, envoya son secrétaire s'informer de mes nouvelles et me faire d'estance aux ordres de service qui ne me parurent pas dans la circonstance d'une grande utilité pour mon soulagement. Son secrétaire ne laissa pas de me presser très vivement de me prévaloir de ses offres, jusqu'à me dire que si je ne me fiais pas à lui, je pouvais écrire directement à M. Lenoir. Ce grand empressement et l'air de confidence qu'il y joignit me firent comprendre qu'il y avait sous tout cela quelques mystères que je cherchais vainement à pénétrer. Il n'en fallait pas tant pour m'effaroucher, surtout dans l'état d'agitation où mon accident et la fièvre qui s'était jointe avaient mis ma tête. Je me livrais à 1000 conjectures inquiétantes et tristes et faisais surtout ce qui se passait autour de moi des commentaires qui marquaient plutôt le délire de la fièvre que le sang-froid d'un homme qui ne prend plus d'intérêt à rien.